Job chapitre 22. Alors Eliphaz, Thémanite, prit la parole, et dit, l'homme apportera-t-il quelque profit au Dieu fort? C'est plutôt à soi-même que l'homme sage apporte du profit. Le Tout-Puissant reçoit-il quelque plaisir, si tu es juste, ou quelque bien, si tu marches dans l'intégrité? Te reprend-il, et entre-t-il avec toi en jugement pour la crainte qu'il ait de toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande, et tes injustices ne sont-elles pas sans fin? Car tu as pris sans raison le gage de tes frères, tu as ôté la robe à ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné de l'eau à boire à celui qui était fatigué du chemin, tu as refusé ton pain à celui qui avait faim. La terre était à l'homme puissant, et celui qui était respecté y habitait. Tu as envoyé les veuves vides, et les bras des orphelins ont été cassés. C'est pour cela que les filets sont tendus autour de toi, et qu'une frayeur subite t'épouvante. Et les ténèbres sont autour de toi, tellement que tu ne vois point, et le débordement des eaux te couvre. Dieu n'habite-t-il pas au plus haut des cieux? Regarde donc la hauteur des étoiles, et combien elles sont élevées. Mais tu as dit, qu'est-ce que le Dieu fort connaît? Jugera-t-il au travers des nuées obscures? Les nuées nous cachent à ses yeux, et il ne voit rien, il se promène sur le tour des cieux. Mais n'as-tu pas pris garde au vieux chemin dans lequel les hommes injustes ont marché? Et n'as-tu pas pris garde qu'ils ont été retranchés avant le temps, et que ce sur quoi ils se fondaient, s'est écoulé comme un fleuve? Ils disaient au Dieu fort, retire-toi de nous. Mais qu'est-ce que leur faisait le Tout-Puissant? Il avait rempli leur maison de biens. Que le conseil des méchants soit donc loin de moi. Les justes le verront, et s'en réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Certainement notre état n'a point été aboli, mais le feu a dévoré leur excellence. Attache-toi à lui, je te prie, et demeure en repos, par ce moyen il t'arrivera du bien. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente, et tu mettras l'or sur la poussière, et l'or d'Ophir sur les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et l'argent de tes forces. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le fléchiras par tes prières, et il t'exaucera, et tu lui rendras tes vœux. Si tu as quelque dessein, il te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. Quand on aura abaissé quelqu'un, et que tu auras dit, qu'il soit élevé, alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés. Il délivrera celui qui n'est pas innocent, et il sera délivré par la pureté de tes mains.